La la la la. Alors, Helmut. Oui. Oui. Ah, mes amis. Quel bonheur, quelle fiesta de rêve hier soir. Comme je vous l'annonçais hier, j'ai été à la petite sauterie organisée pour les 50 ans de Blue Boy. Ah, je peux vous dire, c'était une réussite. Ah, le seul petit souci, c'est que j'avais oublié que j'avais promis ma soirée à quelqu'un depuis longtemps. Ah, du coup, j'ai pas fait mon vieux bâtard et je l'ai invité. Allô? Ouais, c'est moi. Écoute, on va pas pouvoir manger chez moi ce soir, hein. Mais pas de panique pour autant. J'ai une invitation pour deux pour les 50 ans de Playboy. T'es content? Bah écoutez, j'ai pas très club, tout ça, Helmut. Moi, je me faisais une joie d'aller dîner chez vous. Ah, crois-moi, Valérie, tu vas pas y perdre en change. Pour être très franc, je le sens pas très bien. Alors, ça suffit. Rendez-vous ce soir à 22h au Culo Tropical, c'est rue des Déchargeurs. J'ai donc retrouvé le vieux et on est rentré pour festoyer. Wow. C'est canon ici. Oh bah moi j'ai un peu chaud. Oh, arrête de te plaindre enfin, merde. Amuse-toi un peu Valérie. Oui bah moi la chaleur ça me fait mal aux jambes. Oui bon bah va t'asseoir. Bonsoir, mademoiselle. Eh, bonsoir. Ouh, quelle belle croupe. Tu prends une coupe louloute? Oh, t'es bonne aussi toi. Oh, dis donc. Mazette, vous êtes sacrément poilu vous. Ah pardon, je comprends bien. Pardon mademoiselle. Salut, bel enfant. Ouais, comme tu as raison, je suis totalement d'accord avec toi. Les vêtements, ça gâche l'ambiance. Comment tu t'appelles? Alors là, Helmut, permettez-moi de protester. Ah, qu'est-ce que tu me vois encore, la momie? Ben écoutez, c'est très gênant. Sur le canapé où j'étais bien assez tranquille, tout seul, eh bien, deux créatures dénudées sont venues me rejoindre. Oh, ben quel poisse, Valérie! Ah, vraiment, c'est les boules, hein? Oui, bon, vous pouvez moquer si vous voulez, mais en attendant, j'ai essayé d'enlever mon pantalon. Écoutez, je vois pas le problème, bien au contraire, vieux macaque chanceux, va, j'aimerais bien être à ta place sur ce canapé. Oui, mais ce soir, j'ai pas mis de slip, alors vous comprenez, c'est embarrassant. Pourquoi tu mets pas de slip, vieux crabe? Ben, j'ai oublié, voilà, c'est tout. Ah, tu voulais plutôt dégainer plus vite et te faire polir le furet, vieux salaud! Mais enfin, nous, vous perdez la tête. Oh, tu m'emmerdes maintenant, tu... Oh. Valérie, qu'est-ce qui t'arrive? Le vieux s'était évanoui. Il était tombé comme un tchétchène. Oh, du coup, j'ai dû le ramener chez lui. Fini la soirée pour Helmut. J'ai dû le veiller toute la nuit. Il faisait des cauchemars, le fumier. Il voyait des grosses femmes nues qui lui couraient après. Oh, la chance. Enfin bref, c'est fait. Tant pis, on attendra les 100 ans. Allez, au revoir.